même moral, les papis c'est les gums. Star cela c'est tellement fort, 2007 on a le seum. Au plus profond de notre cœur, Aprosi c'est trop seum. Mec de thèse, meuf de thèse, bédame, bédame, bédame. Sourcil froncé, on m'a conseillé de foncer. Les rivaux j'ai pas d'autre choix que les défoncer. Mon rap s'impose, c'est un mal dominant. Prédateur des MC dans la jungle ruminant. C'est super jeune, surtout quand le seum il démon. Dans ma tête c'est la pénombre et je dois combattre mes démons. Ce son pour les gens énervés, les fat ou facés. Comment lasser un sourire lorsque la vie est cassée. La vie fait pas l'humeur en smoking ou survette. Devant l'état, laisse pas apparaître tes faussettes. Y'a des moments où faut être pris au sérieux. Tu veux nous voir en clown, faire des sauts périlleux. J'arrive dans le rapide, lyricalement proliqué. T'as plus le temps de t'expliquer, bien voir je vais t'indiquer les raisons de notre perte de morale. Le pourquoi et le comment de vouloir faire l'argent sale. Mec de test, meuf de test, on fout la merde. 2007, génération rien à perdre. On a le vas-y sors la gouasse car on est de retour. Sache que c'est pour nos tours qu'on représente pour toujours. On a le mec de test, meuf de test, on fout la merde. 2007, génération rien à perdre. On a le vas-y sors la gouasse car on est de retour. Sache que c'est pour nos tours qu'on représente pour toujours. Ok je décolle, grâce à mon son qui arrache le sol. On sort de nos sous-sols, on a le seum, on prend la parole. Arrêtez de faire les contrahisons, c'est une fausse histoire. Si seulement c'était vrai le mec, on l'aurait niqué à mon part. On a le seum, fais pas le beau si t'es chum. Je vois des meufs en gestar, c'est plus des meufs, c'est des cums. Dans nos tests que des ouf, du new, faut se baiser. Les anyens, trop anyens, j'ai envie de baiser. Le bitume, rien qu'on le fume, on l'a trop dercé. On veut des thunes, passer sur la une, peser. Voici le boss trop féroce, mon sang la corne d'un rhinocéros. Je pilote un bolide speed, viens dans mon carrosse, mec de cité, qui fait les choses sans hésiter. Nous on va t'inciter à tout décapiter. Je traîne avec des prétus qui font que retaper. Les mecs sont sur écoute et les scouts sont retapés. On a le seum. Mec de test, meuf de test, on fout la merde. 2007, génération rien à perdre. On a le seum. Vas-y sors la gouasse car on est de retour. Sache que c'est pour nos tours qu'on représente pour toujours. On a le seum. Mec de test, meuf de test, on fout la merde. 2007, génération rien à perdre. On a le seum. Vas-y sors la gouasse car on est de retour. Sache que c'est pour nos tours qu'on représente pour toujours. On a le seum. À cause des condés, leur patrouille. Premier sur l'escroquerie, premier sur la douille. On a le seum. Et tu sais bien que tu peux pas test. L'original mec de test. Quand je te braque, envoie la caisse. On a le seum. Contre les pocaves et leur déposition. Qui mettent des lascars dans de sales situations. On a le seum. Et on t'envoie nos lyrics, chrome insultant pour le remix, Châtillon, PGX. On a le contre l'État et leurs arnaques. Jamais la justice défend sans cesse à l'attaque. On a le seum. On en a marre de faire ce rab, on veut faire s'érouler en crabe et faire croquer tous nos straps. On a le seum. Et c'est ça qui est la vérité. Dans cette ambiance, dans les rues, faudra nous éviter. On a le seum. Donc fais pas le fashion. Ici t'as aucun lust et tu vas te hash. On a le seum. Mec de test, meuf de test, on fout la merde. 2007, génération rien à perdre. On a le seum. Vas-y sors la gouasse car on est de retour. Sache que c'est pour nos tours qu'on représente pour toujours. On a le seum. Mec de test, meuf de test, on fout la merde. 2007, génération rien à perdre. On a le seum. Vas-y sors la gouasse car on est de retour. Sache que c'est pour nos tours qu'on représente pour toujours. On a la test, le même moral, les papis c'est les gums. Star cela c'est tellement fort, 2007 on a le seum. On a le seum. Au plus profond de notre cœur, Aprosi c'est trop seum. Mec de test, meuf de test, bédave, bédave. On a la test, le même moral, les papis c'est les gums. Star cela c'est tellement fort, 2007 on a le seum. On a le seum. Au plus profond de notre cœur, Aprosi c'est trop seum. Mec de test, meuf de test, bédave, bédave, ta seum.